pouvez s'aimer. Quelle heure d'orange sont bien fatigués. Nos pays aux ans de la cité. C'est le moment d'accepter la réalité. Vivons tous sur les restes, les cendres de Marion. Ne répondons plus de rien, ni de personne. Le district du 12 tient tête au Capitole. Va s'indigner ainsi les foudres de Babylone. Plus le choix, car tout leur appartient. Plante comestible, sous brevet, l'Amérique à faire. Saccager au quotidien tel sont les raisons de la colère. Ces derniers temps, l'embrasement va bien progresser. Les cueilleurs d'oranges sont bien fatigués. Nos pays aux hommes de la cité. C'est le moment d'affronter la réalité. Vivons plus sur les restes, les cendres de Babylone. Ne répondons plus de rien, ni de personne. Le district du 12 tient tête au Capitole. Ça crée ainsi le foudre de Babylone. Telles sont les raisons